Ézéchiel chapitre 14. Or quelques-uns des anciens d'Israël vinrent vers moi, et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, Fils d'homme, ces gens-ci ont posé leurs idoles dans leur cœur, et ont mis devant leur face l'achoppement de leur iniquité, serais-je recherché d'eux sérieusement? C'est pourquoi, parle-leur, et leur dis, Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, quiconque de la maison d'Israël, aura posé ses idoles dans son cœur, et aura mis devant sa face l'achoppement de son iniquité, et viendra vers le prophète, je suis l'Éternel, je lui ai répondu tout ce que je lui veux répondre, puisqu'il vient avec la multitude de ses idoles, afin que je prenne la maison d'Israël par leur propre cœur, car eux tous se sont éloignés de moi par leurs idoles. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, convertissez-vous, et faites qu'on se retire de vos idoles, et détournez-vous de toutes vos abominations. Car quiconque de la maison d'Israël, ou des étrangers qui séjournent en Israël, se sera séparé de moi, et aura posé ses idoles dans son cœur, et mis l'achoppement de son iniquité devant sa face, s'il vient vers le prophète pour m'interroger par lui, je suis l'Éternel, on lui a répondu tout ce qu'on a à lui répondre de ma part. Et je me tournerai contre cet homme, et je le ferai servir de signet et de jouet, et je le retrancherai du milieu de mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et s'il arrive que le prophète soit séduit, et qu'il profère quelques paroles, moi, l'Éternel, j'aurai séduit ce prophète-là, et j'étendrai ma main sur lui, et je l'exterminerai du milieu de mon peuple d'Israël. Et ils porteront la peine de leur iniquité, la peine de l'iniquité du prophète, sera toute telle que la peine de celui qui l'aura interrogé, afin que la maison d'Israël ne s'éloigne plus de moi, et qu'ils ne se souillent plus par tous leurs crimes, alors ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel. Puis la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, Fils d'homme, lorsqu'un pays aura péché contre moi, en commettant une infidélité, et que j'aurai étendu ma main contre lui, et que je lui aurai rompu le bâton du pain, et envoyé la famine, et retranché du milieu de lui tant les hommes que les bêtes. Et que ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, y seraient, ils délivreraient leurs âmes par leur justice, dit le Seigneur, l'Éternel. Si je fais passer les mauvaises bêtes par ce pays-là, et qu'elles le désolent, tellement que ce ne soit que désolation, sans qu'il y ait personne qui passe, à cause des bêtes. Et que ces trois hommes-là s'y trouvent, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, qu'ils ne délivreront ni fils, ni fille, eux seulement seront délivrés, et le pays ne sera que désolation. Ou si je fais venir l'épée sur ce pays-là, et si je dis, que l'épée passe par le pays, et qu'elle en retranche les hommes et les bêtes. Si ces trois hommes-là se trouvent au milieu du pays, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, qu'ils ne délivreront ni fils, ni fille, mais eux seulement seront délivrés. Ou si j'envoie la mortalité sur ce pays-là, et que je répande ma colère contre lui, jusqu'à faire ruisseler le sang, tellement que je retranche du milieu de lui les hommes et les bêtes. Et que Noé, Daniel et Job s'y trouvent, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, qu'ils ne délivreront ni fils, ni fille, mais eux délivreront leurs âmes par leur justice. Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, combien plus quand j'aurai envoyé mes quatre plaies mortelles, l'épée, et la famine, et les bêtes nuisibles, et la mortalité, contre Jérusalem, pour en retrancher les hommes et les bêtes. Et toutefois, voici, quelques réchappés y demeureront de reste, savoir, ce qu'on s'en va faire sortir, et fils et filles, voici, ils viennent vers vous, et vous verrez leur train de vie, et leurs actions, et vous serez satisfaits du mal, que j'aurai fait venir contre Jérusalem, et de tout ce que j'aurai fait venir sur elle. Vous en serez, dis-je, satisfaits, lorsque vous aurez vu leur train de vie et leurs actions, et vous connaîtrez que je n'aurai point exécuté sans cause, tout ce que j'aurai fait en elle, dit le Seigneur, l'Éternel.